intérim et indemnité de précarité. Lorsqu'à l'issue d'une mission, le salarié temporaire ne bénéficie pas immédiatement d'un contrat à durée indéterminée avec l'entreprise utilisatrice, il a droit à une indemnité de précarité. Attention, car si une entreprise utilisatrice envoie une promesse d'embauche à un salarié temporaire avant le terme de sa mission, mais que ce dernier ne l'accepte qu'après cette date, elle est tenue de lui verser une indemnité de précarité. En effet, c'est seulement à la date de l'acceptation de la promesse d'embauche que le salarié doit être considéré comme ayant bénéficié d'un CDI.